toujours l'union qui a fait la force. Neg, neg, pas jamais content, ouais, neg ni ça yo pas ni. Neg, neg, pas jamais satisfait, ouais, neg mène bon la vie, oh. Neg, neg, oui, pas jamais satisfait, oh, oh, oh, neg ni ça yo pas ni, oh. J'aime et content, ouais, nèg mène bon la vie. Et pourtant, mon Dieu, mettez tout le monde sur la tête. Volume sa maman deux bien assaisonné, ça c'est original la main.